Les livres de l'histoire naturelle, très gracieux empereur, je vous donnerai, si vous le permettez, ce titre si mérité, puisque celui de très grand est attaché à la vieillesse de votre père. Les livres de l'histoire naturelle, ouvrage nouveau pour les muses de vos Romains, et dernier travail sorti de mes mains, seront le sujet de cette épître familière, car vous voulez bien attacher quelque intérêt à mes bluettes. Ce qui aggrave encore ma témérité, c'est que les livres que je vous dédie sont un travail peu relevé. Il n'y a point de place pour le génie, d'ailleurs si médiocre en moi. Nul chez nous n'a fait cette tentative, nul chez les Grecs n'a embrassé seul tous ces objets. Nous cherchons en général les agréments de l'étude. Aussi, les œuvres d'autrui, qui passent pour traiter de choses infiniment ardues, demeurent-elles enfouies dans d'épaisses ténèbres. De plus, il me faut toucher à tout ce que les Grecs renferment dans l'expression « culture encyclopédique ». Et cependant, il est des points ignorés, ou rendus incertains par des opinions personnelles. Il y en a d'autres qui ont été traités tant de fois que leur nuit s'est attachée. Ce n'est pas chose aisée que de donner un air nouveau à ce qui est ancien, de l'autorité à ce qui est nouveau, du brillant à ce qui est usé, de la lumière à ce qui est obscur, de la faveur à ce qui est dédaigné, du crédit à ce qui est douteux. À chaque chose sa nature, et la nature tout ce qui lui appartient. Aussi, dussé-je manquer le but, il sera beau et glorieux d'avoir voulu y arriver. 20 000 faits dignes d'intérêt, extraits de lecture d'environ 2 000 volumes, dont un bien petit nombre est entre les mains des savants, à cause de l'obscurité de la matière, et qui proviennent de 100 auteurs de choix, dont la liste suit, ont été renfermés en 36 livres, avec l'addition de beaucoup de choses ignorées de nos prédécesseurs ou découvertes depuis eux par la civilisation. Sans doute j'ai commis, moi aussi, bien des omissions. Je suis homme, mon temps est pris par des fonctions publiques, et je m'occupe de ce travail à mes moments de loisir, c'est-à-dire pendant la nuit, car je ne voudrais pas que vous croyiez que je passe ces heures à ne rien faire. En effet, vivre, c'est veiller.